Nos absences sont brèves et éternelles, le souvenir ou le sentiment. Un terrain commun entre deux mondes que les mots libèrent. Nos présences sont parfaites comme le soleil au lever du jour. Si nos départs sont tristes, tristes sont les lumières de la savane. Tu exiges 3 mois d'attente, préparation de notre mariage. Et je joue de beaux rituels, un fiancé qui courtise à bien m'aimer. Fermer montagnes escarpées, tu descendras un après-midi. Parce que tu as cru en ma parole, parce que tu as accepté mes lèvres. Tu récolteras mes cultures et souviens-toi que tu ne seras jamais seul. Car comme la lune, je t'accompagne toujours, même si je ne suis pas toujours avec toi.